عبده ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes toujours dans la série de cours, on reprend après une longue interruption, de l'explication de la description de la prière du prophète عليه الصلاة والسلام, du tekbir au teslim, comme si tu la voyais. Et c'est le livre de Cheikh Mohamed Nasser al-Din al-Albani rahimahullah. Et cette explication est faite par Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoul, hafidahullah ta'ala. Et on est arrivé au chapitre concernant le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a récité des sourates qui se ressemblent dans une même rak'at. Donc, قال المصنف رحمه الله وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قال جمعه عليه الصلاة والسلام بين النظائر وغيرها في الركعة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم واقتربت يعني الساعة والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، إذا وقعت ونون في ركعة، سأل سائل والنازعات في ركعة، ويل للمطففين وعبس في ركعة، المدثر والمزمل في ركعة، هل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كبرت في ركعة. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي إن شاء الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. انتهى كلام المصنف رحمه الله. دوك on traduit déjà ce passage de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui fasse entrer le Firdaus Al-A'la pour son travail et son excellent travail et tous les efforts qu'il a fait pour rendre accessible la sunna à tout le monde et faire la différence entre la sunna authentique et ce qui était rapporté comme hadith faible. Il dit: le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a récité des sourates qui se ressemblent dans une même rak'at. Le prophète alayhi salatu wassalam récitait des sourates similaires parmi les sourates du Mufassal. Alors, le Mufassal c'est quoi? Le qawl rajih bin aqwal ahl al-ilm, c'est que c'est de sourate Qaf ou le Qur'an al-Majid, hein, jusqu'à sourate An-Nas. Ça c'est le qawl rajih. On va le voir inshallah, mais c'est ce que dit Cheikh Abdel Aziz Ali Cheikh hafidhahullah ta'ala, le mufti d'Arabie Saoudite. Et ils récitaient ensemble les sourates, et il va citer celles qui vont ensemble. Premièrement, Ar-Rahman, on traduit ça par le tout miséricordieux. Et vous voyez que pour les frères qui ont le livre en arabe ici, il y a des chiffres. D'accord? Il y a 55 et 78. Alors à quoi correspond 55 et 78? Mais 55 correspond au numéro de la sourate et 78 au nombre de versets. Ça va? C'est chaque fois, quand je donne deux chiffres, le premier c'est... C'est pour ça que le cheikh ici en bas, il a dit: Al-raqm al-awwal lis-suwari wa al-thani raqm al-aya. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire par là. Moi, ce que j'ai compris, et Allah alim, ce que je dis est juste, c'est que le premier chiffre, c'est le numéro de la sourate, tandis que le second chiffre, ce n'est pas le numéro du verset, mais c'est le nombre de versets. D'accord? Donc, le tout miséricordieux. L'aya, oui c'est ça, donc c'est pour ça ici que moi... Non. Parce que si tu regardes le verset qui cite, c'est le dernier, alors, systématiquement. Tu vois? Donc on a dit quoi? Le tout miséricordieux, Rahman, 55, nombre de versets, 78. Donc chiffre, je cite chaque fois les deux chiffres, maintenant vous savez c'est quoi, Inch'Allah. L'étoile, Al-Najm, 53, 62. Leur approche, 54, 55. Celle qui montre la vérité, 69, 52, dans une raka'a. Donc la première, c'était quoi? Ar-Rahman, on va voir ça, Inch'Allah, après. Ar-Rahman et Al-Najm dans une raka'a. Deuxième, leur approche, 54, 55, et celle qui montre la vérité dans une raka'a. Troisième, At-Tur, 52, 49, et qui éparpille, 51, 60. Évidemment, c'est une traduction, c'est la traduction que vous retrouvez dans le Coran pour les noms des sourates. Hein. On traduit ça parce que ça doit être traduit et on verra l'explication après, Inch'Allah. 51, 60, dans une raka'a. Ensuite encore, quand l'événement, le jugement arrivera, 56, 96, et Noun. C'est quoi ce surat Noun? Le Qalam. D'accord? Il va parler de toute façon du nom des sourates, Inch'Allah. 68, 52, dans une raka'a. Un demandeur a réclamé. 70, 44. Et les anges qui arrachent les âmes. Ou Naziat. C'est quoi les deux premiers versets de surat Naziat? C'est quoi Naziat? Qui arrache les âmes de qui? C'est les anges qui arrachent les âmes des gens. Hein? Tu es sûr? Gharqa, oui. Ou Nashitati? أي واحد للمؤمنين؟ الثاني للمؤمنين والناشطات. وكيف ينزعون الأرواح؟ ينزعون ببطء بلين. والأول للكفار. مش مرتين كيف مرة واحدة؟ يعني بشدة. يعني c'est juste en passant comme ça on dit ça c'est important. والنازعات غرقا c'est Allah عز وجل a juré par les anges qui arrache les âmes des kuffars wa'adu billah avec violence. Il y a des hadiths qui ont été revenus inchallah dans le livre d'Aqida. Et le deuxième, wa'nashitati nashta, c'est les Allah azza wa jalla a juré par les anges qui extirent, tirent les âmes des croyants comment avec douceur. Allah azza wa jalla naj'alna min as-sunf al-thani. C'est pour ça en fait qu'ici on a dit quoi? Et les anges qui arrachent les âmes. Donc Naziat, d'accord? 83, que je dis pas de bêtises, 79-46. Ça c'est dans une raka'a, d'accord? Encore après, malheur aux fraudeurs, 83-36. C'est quelle sourate ça? Non. Il s'est renfrogné, 80-42, dans une raka'a. C'est quelle sourate ça? Eh ben ça. C'est quoi ce sabab de la du verset? C'est important, le Coran, les gars. Ah, déjà, il y a un frère qui a dit un aveugle qui est venu le voir. Hein? C'est juste. Il y en a un deuxième, il a donné le nom. Ibn Maktoum, Naam, Sadaqt. C'est juste, Ahsant. Il y avait des gens importants de Quraysh, d'accord. Le prophète Hassan voulait leur khair, les guider. D'accord, continue. Faut attention quand on parle du prophète Hassan. Hein? Choisis les bons mots, Inch'Allah. Hein? Dis plutôt ça comme ça. Il a préféré, il a donné importance, préséance aux gens de Quraysh parce que c'est des gens importants de Quraysh. Pourquoi que le peuple de Quraysh soit guidé? Hein? Alors, quelle règle de faire qu'on sort de là? Cheikh Saadi Rahimahullah, c'est pas le sujet du cours, mais je dis ça en passant, d'accord? Cheikh Saadi Rahimahullah, il a dit, retenez cette règle-là. Regardez les ulama, comment ils comprennent le Coran différemment de nous. Hein? C'est que Cheikh Saadi Rahmallah il a dit la yutraku amrun ma'lumun li amrin mawhum wa la maslahatin mutahaqqiqa li maslahatin mutawahhima. Hein? On ne délaisse pas quelque chose de connu pour quelque chose de douteux. Et on ne délaisse pas un bienfait sûr pour un bienfait qui est douteux. Parce que Ibn Maktoum radhiyallahu anhu il est venu avec le haqq, il voulait le haqq. Hein? Tandis que Quraysh, est-ce qu'ils vont accepter, pas accepter, on ne sait pas. Vous situez un peu? D'accord? Regardez les ulama, quand vous revenez au tafsir de Cheikh Saadi, rahimahullah, vous allez trouver cette règle-là, inshallah, à cet endroit-là. D'accord? Je répète en arabe la règle. La yutraku amrun ma'loum li amrin mawhoum. ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. Et vous voyez d'ailleurs dans la suite du verset, c'est clair. Vous voyez que c'est clair. D'accord ? Comme ça. Encore, ensuite, on revient au texte. Le revêtu d'un manteau, 56, et l'enveloppé, 73, 20, dans une raka'a. Qui sait me dire pourquoi ? C'est quoi les deux noms des sourates ? Le recouvert d'un manteau et l'enveloppé. Et Al-Muzammil, c'est juste pourquoi ? Qu'est-ce qui les lit ces deux sourates? Ça parle de quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète à Assalam? La sourate al-Muzammil. Hein? Pourquoi il a dit ça? Les mots de Kala Dalik. Hein? Allez, salat wassalam. Lisez. Sahih al-Bukhari, par quel chapitre il commence? Vous voyez, les gens de la sunna, on ne donne pas l'importance au livre de la sunna. Hein? Premier chapitre de Sahih al-Bukhari, c'est Kayfa bada al-wahyu. Comment la révélation a commencé? Hein? C'est quoi le premier hadith de Sahih al-Bukhari? Ou tu le dis ou tu le dis pas. Ou tu le dis ou tu t'es, mais pas à moitié. Fadal akhi. Comme tu veux, t'es libre. Dans Sahih al-Bukhari, le premier hadith c'est Innama al-amalu binniyat, sur les intentions. C'est le premier. Et il a commencé, tu sais pourquoi, par cela, par celui-là, et c'est pour ça que j'ai cité ça en fait. C'est Cheikh Al-Abbad dans Sahih al-Bukhari, son explication Sahih al-Bukhari, il dit dans la première cassette, il dit que regardez les ulama encore une fois, ils lisent des livres, ils ne les lisent pas comme nous. Hein? Évidemment, si on les lit d'abord déjà nous. Hein? C'est que le premier hadith, c'est le hadith sur Innama al-amalu binniyat. On est d'accord. Wa innama li kulli imri'in ma nawa al-hadith. C'est qui le raoui du hadith? Amr al-Khattab. Sakunya? Est-ce qu'il avait Hafs? Donc, autorisation d'avoir une kunya, même si on n'a pas eu un enfant de ce nom-là. Abu Bakr, il avait Bakr? C'est quoi la kunya de Khalid bin Walid? Hein? T'es sûr? Hafs ou Hafsa, c'est la même chose. Hein? Alors, je ne sais pas si tu dis quelque chose, moi, machallah, on ne détient pas toute la science, Akhi. Hein? Mais tu es un salaf derrière toi, j'espère. Hein? C'est Cheikh Al-Abbad qui dit ça. Moi. Il y a une montagne derrière moi, là, moi, je n'ai rien rapporté de moi. Khalid bin Walid, c'est quoi sa kunya? Cheikh Abdelzak al-Badr, hein, son fils qui a dit ça, l'Abbad al-Badr, pas le grand, hein, pas son père. Cheikh Abdelzak, il dit que c'est Abu Suleyman, et il n'avait pas Suleyman. Moi, je dis ce que le Mashiach, il dit, Zahri. Non, si tu veux discuter, il est encore vivant, il est à Médine, il enseigne à la mosquée du prophète, tu peux toujours le voir. C'est important maintenant, pourquoi j'ai cité ça? Parce que le hadith, il a commencé par là, et le Bukhari, rahimahullah, ça c'est Cheikh Abdelzak, le père, qui dit ça maintenant, hein. Suivez bien. Il dit que le Bukhari, rahimahullah, il n'a pas fait d'introduction dans son sahih, à part ce hadith-là. Il a montré par ça que les actions, leur début, c'est une intention. Et le dernier hadith de Sahih al-Bukhari, maintenant, c'est quoi? Vas-y. Kalimatan, c'est tout. T'as même pas dit Kalimatan. Kalimatan, Habibatan, il al-Rahman, Khafifatan al-lisan, thaqilatan fil mizan al-hadith. D'accord? C'est aussi un hadith qui est garib, rapporté par un seul compagnon. D'accord ? Donc il a commencé par un gharib, il a fini par un gharib. Regardez, subhanallah, le fiqh des ulama. Cheikh Al-Abbad, Al-Muhsin Al-Abbad, il dit que c'est une indication pour montrer que les actions, au début, c'est une intention, et à la fin, c'est un hisab et un jaza. Allahu Akbar. Tu vois, regarde, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut donner de l'importance au livre de la sunna. Pourquoi j'ai parlé de tout ça maintenant ? Parce qu'on a parlé de Muzammil, hein, Kayfa Bada' al-Wahi. Ils avaient un très long hadith qui montre que le prophète, le hadith, il y a un mot en arabe qui dit Kan yatahannathu. Qu'est-ce que ça veut dire tahannuth ? C'est l'ibada. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il allait où ? S'éloigner du mal de sa communauté. Hein? Avant la révélation. Où ? Hein? Jabal Hira. Hein? Et c'est là qu'il a reçu la révélation. D'accord ? On est sorti du contexte, mais c'est intéressant des fois, Inch'Allah. Continue. S'est-il écoulé, 76-31, et non, je jure par le jour de la résurrection, 75-40, dans une raka'a. Encore une autre raka'a, ou un autre lien entre deux similaires. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement, 78-40, et les envoyés, 77-50. Dans une raka'a, Ad-Dukhan, ils ne traduisent pas par la fumée, 44-59. Pour les frères qui veulent toutes les références, j'ai les livres ici en français, ils peuvent les prendre après, Inch'Allah, d'accord ? Et quand le soleil sera obscurci, 81-29 dans une raka'a. Parfois, ils regroupaient, alayhi salatu wassalam, dans la prière nocturne, des sourates faisant partie des sept plus longues sourates du Coran. Comment les appelle en arabe ? Al-Sab'at Tawal. C'est quoi les Sab'at Tawal ? Voilà, vas-y, continue. Qui d'autre ? Ali Imran, la deuxième, troisième, Nissa, quatrième. Il n'y a rien avant le Maïda, hein ? T'es sûr ? Zid 5, An'am, Zid, l'Araf, 7, hein ? 7, on a dit non ? Ça fait que 6 ? Donc il avait raison, l'Anfal. Hein ? Et après l'Anfal, c'est quoi ? Toba, Toba. Hein? Hein? Non, j'ai pas été aussi loin. Hein? Toba, elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Certains ulama, ils disent que c'est parce que c'est le même sens que surat al-Anfal. Et d'autres, ils disent parce que c'est Naqd al-Ahd. Et les Arabes, ils disent, hein, c'est un usloub qui était. Retournez chez Nqiti, rahimahullah. Hein? À la kulli hal, dans son tafsir, Adwa al-Bayan. Des longues sourates du Coran, les sept, telles que la vache, le baqara, les femmes, la famille d'Imran, dans une seule raka'a, comme nous le verrons plus loin. D'accord, Inch'Allah. Il disait à ce sujet, alayhi salatu wassalam, la meilleure prière est celle dans laquelle on reste le plus longtemps debout en récitant le Coran. Toulul qiyam. Afdalu salati toulul qiyam. Lorsqu'il récitait, alayhi thalika biqadirin ala an yuhiya al-mauta, c'est quelle sourate ça? Sûr. Dernier verset, premier. Dernier. Oh, mashallah. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta? Prophète Aïssa Oussam disait Subhanaka fabala. Hein? Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta? Subhanaka fabala. Et on va voir quand maintenant. Question qui va se poser, est-ce qu'on dit ça dans le fard ou dans le nafl? On va répondre à cette question après, Inch'Allah. Et aussi, Sabbih isma rabbika al-a'la. Hein? On traduit le verset d'abord. Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Donc nous, on dit quoi? Subhanaka fabala. Certes, gloire à toi. Et quand il récitait Sabbih isma rabbika al-a'la, il disait Subhan rabbi al-a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Il disait gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Alayhi salatu wassalam. Maintenant, on a l'explication de tout ça, Inch'Allah. L'explication de Cheikh Bezmoul, il dit هذا الفصل يتضمن جملة من المسائل وهي الآتية. المسألة الأولى أن من السنة أن يجمع الإمام في صلاته بين الصور المتماثلة في المعاني كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر المصنف رحمه الله أنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين النظائر. والمقصود بالنظائر السور المتماثلة في المعنى كالموعظة أو الحكم أو القصص ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين سورة الرحمن والنجم، وبين سورة القمر والحاقة، وبين سورة الطور والذاريات، إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. الشيخ بازمول حفظه الله قال دي plusieurs points qu'on tire de ce chapitre. Premier point, juste une petite réflexion que j'avais notée par rapport au numéro que je vous avais dit tout à l'heure. Le premier numéro cité est celui de la sourate, le deuxième le nombre de versets, comme j'ai déjà dit, d'accord ? L'intérêt de cela, c'est la question qu'il faut se poser, pourquoi Cheikh Al-Albani l'a fait ça, hein ? C'est de mettre en évidence que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne prêtait pas attention à l'ordre des sourates comme dans le mushaf. On va voir, on va discuter de ça après, Inch'Allah. Lorsqu'il récitait, et ce pour beaucoup de sourates semblables, ceci indique donc l'autorisation. Et ce qui est mieux, c'est de réciter dans l'ordre du mushaf. Et ceci est pris des notes de bas de page de la description de la prière avec quelques changements. Maintenant, on a dit c'est quoi ce chapitre et comprend les points suivants. Premier point, on va essayer de faire deux chapitres aujourd'hui, Inch'Allah. Il fait partie de la sunna que l'imam groupe dans sa prière des sourates qui sont semblables dans le sens, comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que le messager d'Allah alayhi wa sallam groupait les sourates similaires, c'est-à-dire similaires de par le sens, comme le rappel, hein, ou les sagesses, ou les récits, etc. Première chose qui doit venir à votre tête maintenant, vous voyez que l'imamah, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. Vous allez comprendre pourquoi certains peut-être d'entre nous, des fois, refusent d'être imam. Hein. C'est une responsabilité. Et vous voyez qu'il y a quand même un maillon de fiqh à avoir. Mais ce n'est pas que le fait que de mémoriser le Coran, c'est le fait de le comprendre aussi, et de connaître cette sunnah-là, et comment guider la prière, etc. On a déjà vu des points dans la prière, hein, en termes d'imamah. Il regroupait donc Surat al-Rahman et al-Najm par exemple, al-Qamar et al-Haqqa, al-Tur et al-Dhariyat, etc. Et on a fini avec ça le premier point. La mas'ala al-thaniya, dalla hada al-fasl alladhi awradahu al-musannif rahimahullah anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana al-ghalib min amrihi annahu yaqra' fi al-rak'ati suratan wa ahyanan suratayn wa fi al-qalili min halihi wa min sha'nihi kama sayati dhikruhu insha'Allah kana yaqra'u bi ba'd as-suwar. وعليه نقول من عكس هذا وأكثر من قراءة بعض الصور ولا يفرد كل ركعة بسورة أن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدمت هذه المسألة. Deuxième point qu'on tire de ce chapitre, ce chapitre rapporté par l'auteur qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah indique que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم en général récitait une sourate par raka'a et parfois deux, et rarement, comme on va le voir inshallah, il récitait une partie de sourate. En se basant sur cela, nous disons que le contraire de lire le plus souvent une partie de sourate et de ne pas prier avec une sourate entière pour chaque raka, et bien que c'est donc quoi, comme on a dit, contraire à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a déjà vu. On avait déjà parlé de ça, vous vous souvenez, hein? Comment c'est du début d'une sourate? Est-ce qu'on lit de la fin d'une sourate? Est-ce qu'on lit du milieu? Qu'est-ce qu'on... Hein? Est-ce qu'on commence, est-ce qu'on la termine, etc. Qu'est-ce qu'il faisait le plus souvent, qu'est-ce qu'il faisait rarement, hein? On avait vu tout ça. Troisième point tiré du chapitre. المسألة الثالثة الذي ذكره المصنف رحمه الله من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو فيما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته مع أصحابه أو في صلاته مع نفسه. والحكم فيه أنه من كان حاله كحال الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بمثل ما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من كان يصلي إماما بالناس في المساجد حيث يصلي خلفه الصبي الصغير وصاحب الحاجة والمريض والعاجز والتعبان وصاحب المهنة، نقول السنة هنا في الصلوات العامة أن يقرأ كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم معاذ بن جبل أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من الصور، وألا يطيل على الناس لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم بالناس فليخفف. وعليه نقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة، وإما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل في خاصة نفسه، وإما في صلاته مع الصحابة. ويكون تطويله عليه الصلاة والسلام بالصحابة سببه أنه علم رضاهم بذلك، وأنهم ليس فيهم مريض وليس فيهم عاجز ونحو ذلك. وأما إذا علم صلى الله عليه وسلم بأن خلفه مريضا أو ضعيفا ونحو ذلك فإنه يخفف. وقد سبق معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة بالصحابة فخفف بهم الصلاة فسئل فقال إني سمعت بكاء الصبي فتجاوزت في الصلاة الحديث. فدل ذلك على أن الإمام عليه أن يراعي حال من خلفه ومراعاته حال من خلفه من السنة ولا يعارض قوله بفعله. Troisième point qu'on tire de ce chapitre. Ce qui était rapporté par l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde en ce qui concerne la récitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, est-ce qu'il faisait dans la prière avec les compagnons ou lorsqu'il priait seul? Le jugement est donc que celui qui se trouve dans la même situation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit encore une fois que l'imam il doit avoir du fiqh. Il doit avoir quoi? Hein? Compréhension. Il doit voir qui est derrière lui, hein, qui sont les gens derrière lui, dans quelle situation prier longuement, dans quelle situation prier, hein, de manière allégée. C'est ça le fiqh de l'imam. Un exemple qui me vient à la tête en tant qu'imam, l'imam il est en recours, il entend quelqu'un qui rentre. C'est quoi la sunna pour lui de faire? C'est quoi, hein? C'est de laisser le temps à la personne de joindre le rang. C'est ça le fiqh de l'imam. Regardez la sunna, subhanallah. Hein? Regardez ce que va dire le cheikh ici. Le jugement est donc que celui qui se trouve dans la même situation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récite comme lui. Tandis que celui qui guide la prière dans les mosquées, auprès derrière lui, le petit enfant, et celui qui est préoccupé par une affaire, et le malade, et celui qui n'est pas capable, et le fatigué, celui qui travaille, nous lui disons la sunna alors dans les prières générales en groupe, c'est qu'il récite comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il enseigna à Mu'ad ibn Jabal de réciter « Wa shamsi wa duhaha » Walayli ida yarsha, hein, ou des sourates similaires, et de ne pas faire la prière trop longue pour les gens. Et c'est en raison de ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique lorsqu'il dit si l'un d'entre vous guide la prière, qu'il l'allège. En se basant là-dessus, nous disons ce qui était indiqué comme faisant partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'auteur dans la récitation est soit dans la prière nocturne du messager d'Allah. Parce que maintenant il y a les textes, comment est-ce qu'on va les comprendre? Quand est-ce que le prophète priait comme ça? Eh bien c'est simple, soit il le faisait dans la prière nocturne, soit parce qu'il savait qui était derrière lui, c'est-à-dire sahaba, et qu'ils agréaient cela, ils étaient d'accord avec cela. C'est sahaba, c'est pas nous. Hein? Donc soit dans la prière nocturne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait seul, lorsqu'il priait avec ses compagnons. Et la raison pour laquelle il allongeait la prière en présence des compagnons, radiallahu anhum, alors qu'ils savaient, connaissaient leur agrément, et qu'il n'y avait pas de malade parmi eux, et personne qui n'en était pas capable, etc. Et s'ils savaient qu'il y avait derrière lui un malade, ou quelqu'un de faible, ou autre, donc s'ils savaient qu'il y avait derrière lui un malade, ou quelqu'un de faible, ou autre, il allégeait, alayhi salatu wassalam. Et nous avons déjà vu le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il guidait une fois les compagnons dans la prière et allégea la prière. Il fut alors questionné. Et ça, hein, si les gens qui critiquent le prophète avaient un minimum d'équité et de justice en eux-mêmes, hein, rien que ça, ça devrait les faire taire. Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors ils le connaissent et ils n'aiment pas le haqq. Parce qu'il faut savoir ça, que beaucoup de kuffars, de non-musulmans, hein, ont écrit en bien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont même, certains l'ont rangé parmi la personne qui a le plus influencé l'humanité. Hein? Le premier, c'est pas parmi, c'est le premier. Hein? Même certains grands écrivains, etc., ont écrit en bien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont reconnu sa valeur et ses bienséances et son noble comportement, etc. Regardez le hadith nabawi. Hein? Comment est-ce qu'on peut critiquer un homme comme ça qui était qui est le meilleur des hommes et qui est l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Regardez, il allait déjà dans la prière, il fut alors questionné et il dit, j'ai entendu les pleurs d'un enfant, j'ai alors raccourci la prière, alayhi salatu wassalam. Regardez la rahma de la religion, regardez hein, la rahma du prophète, alayhi salatu wassalam. Qui c'était un verset où le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a été envoyé comme une rahma? verset, il est presque comme ça. Vas-y, vous l'avez dit, dites-le. Hein? Très très bien. Là, il y a le mot Rahim, très très bien. Mais il y a le mot Rahma. Et le frère, il est pas loin, hein? Il est pas loin. Et Zala Khiran, il est pas loin. Rahma, le mot Rahma. C'est juste, mais ça, c'est le verset sur le Sahaba, tu vois. Et sur le prophète Azam, qu'ils étaient Rouhama Benahum. C'est juste, c'est, tout ça c'est juste. Zaklakhir. Le frère il a cité, mais il y a juste. Le Coran, on ne peut pas rapporter avec le ma'na. C'est pour ça que j'attends le verset comme il est. Voilà, barak dis-le, barak l'aufik. Illa rahmatan lil alamin. Racine rahma, alayhi salatu wassalam. Une miséricorde pour la Umma et pour autre que la Umma. C'est Umma de da'wa. C'est un rahma pour nous tous. Hein? Et les gens, ils arrivent à dire du mal de cet homme-là. Alayhi salatu wassalam. Regardez, on répète ça. Hein? Peut-être qu'il y a des gens qui entendent, ça va leur faire peut-être changer, ça va toucher leur cœur, peut-être s'ils ont encore le cœur apte à accepter la vérité. Il fut alors questionné et il dit, j'ai entendu les pleurs d'un enfant, j'ai alors raccourci la prière. Alayhi salatu wassalam. Ceci indique que l'imam se doit de prendre en considération la situation des gens qui sont derrière lui. Regardez encore, Rahma. Et ceci fait partie de la sunna. Et sa parole ne contredit pas son action. Alayhi salatu wassalam. Quatrième point qu'on tire du chapitre. Al-mas'alatu al-rabi'a. Annahu la yalzamu tertib sur al-Qur'an inda al-qira'a. Fal-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kan yaqra'u surat al-Rahman wa al-Najm wa qtarabat wa ya'ala al-tawali. ويقرأ معها الحاقة وهي ليست تالية لهذه المذكورات ففيه أنه لا يشترط كون الصور على التوالي حسب الترتيب المصحف فدل ذلك على أنه لا يشترط في الصلاة أن يراعي ترتيب الصور المصحف فإنه لا حرج في ذلك يجوز أن يخالف ترتيب صور القرآن فيقرأ صورتين ليس إحداهما تلي الأخرى مباشرة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل لو خالف الترتيب جاز كما فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل لما استفتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران ولا يقال هذا في صلاة الليل لأن الأصل أن ما ورد في النافلة يجوز في الفريضة إلا ما استثناه الدليل قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب وقارن بالتبيان في أدب حاملة القرآن يا دي ليفر سور علوم القرآن سور كومون سور أدب القرآن يا أدب حاملة القرآن il faut lire ce livre là il va citer un autre livre après qui est très connu et que Cheikh lui-même il a corrigé. Il a fait ce qu'on appelle tahqiq. C'est qui? C'est l'itqan. Fi ulum al-Qur'an de Suyuti, rahimahullah. Cheikh Bezmoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé les choses qui sont faibles, etc. Les narrations, etc. Il est imprimé, il se vend en un gros volume. Si je ne me trompe pas, c'est Dar Istiqama qui l'a fait. Je fais peut-être une erreur. Ala kulli hal, c'est Cheikh Bezmoul qui a fait, c'est Tahdib al-itqan fi ulum al-Qur'an de Suyuti, rahimahullah. والله أعلم. والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف سواء قرأ في الصلاة أم خارجها وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها لأن الترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد الشرع فيه بالتفريق كالصلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى سكوا هل أتى كل سورة الإنسان منو كيستيون أسكو السجدة ألف لام ميم ها Sejda, comme on l'appelle. Est-ce que Sejda et l'insan, ils se suivent directement dans le Mus'haf? Qui dit non, qui dit oui? Qui dit oui? Ben non, il y a un grand, grand espace entre les deux. D'accord? C'est quoi? Ben, c'est une preuve que on peut lire deux sourates, même si elles ne sont pas côte à côte. D'accord? Et en plus, ici, c'est carrément, le prophète, c'est une sunna de lire Jumu'a le matin, salat sobh. Alhamdulillah, dans ce masjid, on le fait. De lire première raka'a avec surat al-Sijda et deuxième raka'a avec surat al-Insan. وصلت العيد بقاف واقتربت ونظائر ذلك فلو فرق أو عكس جاز وترك الأفضل وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب وما التعليم الصبيان من آخر الختمة إلى أولها فلا بأس به، لأنه يقع في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. انتهى كلام نووي رحمه الله. Quatrième point qu'on a dit qu'on tire de ce chapitre, il n'est pas obligatoire de réciter les sourates dans l'ordre du Coran. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait Ar-Rahman et Al-Najm et Iqtarabat qui sont successives, et récitait avec Al-Haqqah qui ne suit pas dans l'ordre. Il y a donc en cela que ce n'est pas une condition de réciter les sourates de manière successive dans l'ordre du mushaf. D'accord ? Ce n'est pas une condition. Ceci indique donc que dans la prière, ce n'est pas une condition de respecter l'ordre des sourates dans le mushaf. Il n'y a aucun mal en cela. C'est-à-dire de ne pas respecter cet ordre-là. Il est autorisé de ne pas les lire dans l'ordre, de lire une sourate et de lire une autre qui n'est pas celle juste après dans le mushaf. Et même s'il récite dans un ordre inverse, ceci est autorisé. D'accord ? Comme l'a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière nocturne. Alors maintenant, vous allez me donner la réponse vous-même. Si je vous dis qu'il a lu prière nocturne, Nafila, qui fait ça de nous ? Hein ? Baqara, An-Nisa et Ali Imran. Hein ? D'accord ? Vous vous souvenez, Cheikh Barabdoun, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Sahaba, il comptait avec le Coran. D'ici, je te dis, oui, je t'ai attendu le temps de surat al-Baqarah. Si on ne sait pas c'est quoi surat al-Baqarah, on ne sait pas, c'est 3 jours, c'est 10 minutes, c'est quoi, hein? Oui, yani de la distance de, par exemple, surat al-Ahzab ou quelque chose comme ça. C'est un instrument de mesure que les sahaba, ils avaient. Parce que leur vie, c'était le Coran. D'accord? Bien, regardez, imaginez-vous le Baqarah. Hein? Vous avez quelqu'un, par exemple, comme le Menchaoui, si je me souviens bien, il l'a lu yani, calmement en 5 heures. Tijouid, calmement, 5 heures. Hein? Peut-être une lecture rapide, peut-être quoi, 1h20, 1h30. Hein? Oui, quelque chose, 1h20, 1h30. Une lecture rapide. Hein? Allah alam. Baqara, puis Nisa, puis Ali Imran. Pourquoi je récite cette preuve-ci dans le cadre de ce qu'on vient de dire? Qui sait me dire pourquoi? Allez, levez-vous, parce que, qu'il n'y a pas de. Hein? Ah, vas-y, lève ta main, je me regarde, je ne sais pas. Dis, hein? Qui se propose à répondre? Fadal. Hein? Oh, mais après, il m'a tout tafsil. Ok. Donc, ça c'est la mis'ala. Il a cité un dalil. Mais moi, j'ai un dalil. Ah, barakallahu fik. Il a raison, Ahsan. C'est quoi? C'est que le Baqara, dans le mushaf, dans le tirjil mushaf, c'est le Baqara, Alif Lam Mim, Ali Imran, Alif Lam Mim, An-Nisa, Alif Lam Mim. C'est quoi? Hein? Hein, continue, vas-y. Hein, Hafad, mashallah, vas-y, continue. Hein? Ala kulli hal, si la raison, c'est quoi? Que surat Ali Imran, elle vient avant dans le mushaf. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié surat, avec surat An-Nisa. Hein? C'est quoi? Vous connaissez jusqu'à le verset sur la polygamie ou après aussi? Hein? Et qu'on ne dise pas que cela est seulement pour la prière nocturne. Car la base est que ce qui a été rapporté, c'est regarder les règles. Notez cette règle-là. Le Cheikh nous donne des règles dans le din. Il dit quoi? Il dit, car la base est que ce qui a été rapporté pour les prières surrogatoires est autorisé dans les prières obligatoires, sauf si on a une preuve qui prouve le contraire. Suivez là. Ce qui a été rapporté dans les prières surrogatoires vaut pour les prières quoi? On traduit obligatoire, mais c'est le farida. Vous savez de quoi on parle? C'est les 5 prières, en fait. D'accord? Hein? Le faraïd. Sauf à l'exception de ce qui a été rapporté par une preuve. L'imam Nawawi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Majmou' al-Sharh al-Muhaddab, volume 2, page 165. Pour les frères qui l'ont déjà vu, hein, c'est pas mal de volume. Hein? Majmou' al-Sharh al-Muhaddab. volume 2, page 165, et fait la comparaison avec le livre « La mise en évidence des bienséances de ceux qui portent le Coran ». Regardez le titre du livre. « At-tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an » Qu'Allah fasse partie, qu'on fasse partie de ces gens-là. Et même parmi les hufad, pas juste le fait de porter le Coran en nous, mais en plus de le comprendre et de le mettre en application. Ce qui est le mieux, c'est de réciter en respectant. C'est Nawawi maintenant qui parle, hein, Allah. Ce qui est le mieux, c'est de réciter en respectant l'ordre du mushaf, que la récitation soit dans la prière ou en dehors de la prière. Hein? Et s'il récite une sourate, il récite après celle qui la suit. Car l'organisation du mushaf a été faite pour une sagesse, les hikmatin. On ne la délaisse donc pas, sauf ce qui a été rapporté dans la législation islamique comme séparation, comme pour la prière du sobh. Le vendredi, qu'on a dit quoi ? Al-sajda et al-insan. Alif lam mim al-sajda et hal ata'a lil-insani hina min ad-dahr. Al-ayat. Et la prière du Eid, par exemple, c'est quoi ? On a dit quoi ? C'est qaf wa iqtarabat. Et similaire. S'il sépare entre les sourates ou inverse l'ordre, c'est autorisé, mais il aura délaissé le meilleur. Alors nous, en tant que gens de la sunna, on cherche le meilleur. D'accord ? Tandis que lire une sourate de sa fin à son début, situer ça un peu. Par exemple, donnez-moi un exemple. Qul a'udhu bi nas, avec par exemple sourate Nas, commencer de sa fin, c'est quoi ? C'est de commencer par minal jinnati wan nas et de terminer par Qul a'udhu bi rabbin nas. Hein ? Il va parler de ça. Il dit le fait de lire une sourate de sa fin à son début, il y a unanimité, ijma, sur son interdiction et son blâme. Hein ? Car en faisant cela, on retire de l'éloquence de la force du texte et la sagesse de cet ordre. Tandis qu'enseigner aux enfants de la fin du Coran au début. Regardez, c'est pour ça que c'est intéressant de lire les livres de science, sur la science du Coran. Hein? Maintenant, quelqu'un va dire, oui, mais d'accord, on ne peut pas lire de la fin au début. Mais c'est ce qu'on fait avec les enfants tous les jours, qu'on leur apprend à Salafi School. Hein? On leur fait commencer par Sourate Nas et puis on monte. Mais ça, il n'y a pas de problème, il va dire le shir. L'imam Nawawi, rahimahullah, il va dire, il n'y a pas de problème avec ça. Hein? Et c'est même une facilité pour les enfants. Il dit, tandis qu'enseigner aux enfants de la fin du Coran au début, il n'y a aucun problème, car cela se fait en plusieurs jours. Tu ne le fais pas au même moment. Et cela facilite la mémorisation aux enfants. Fin de citation. D'ailleurs, le mashayikh, qu'est-ce qu'il conseille en général dans le Hifz Qur'an? Il conseille de Surat Nas jusqu'à Qaf. Après, tu continues jusqu'à ce qu'on appelle Al-Hawamim. Pourquoi on les appelle Al-Hawamim? C'est sept sourates qui commencent par Hamim. Première qui est Surat. Première de ce côté-là, du côté de Baqara, Al-Ahqaf, d'accord ? Hein ? C'est la dernière, oui, pardon. Donc la première, c'était Ghafir, pas Al-Ghafir, Ghafir, hein ? D'accord ? Donc maintenant, vous suivez, maintenant, on parle dans ce sens-là, comme ça on monte sur la Nas, on passe par Surat Qaf, Surat Al-Ahqaf, jusqu'à Ghafir. Ça, c'est l'ordre que les ulama conseillent, d'accord ? Maintenant, après, où tu montes ? Jusque Baqara et tu descends, hein, ou tu montes jusqu'au surat Al-Kahf. Il y a différentes. Cheikh Abdelmassil Al-Qasim, je l'ai traduit, c'est sur un site, je crois, c'est Salafi du Nord, ils l'ont mis sur le site. Il faudrait qu'on le récupère d'ailleurs, ça. C'est, il a fait tout un épître sur comment mémoriser le Coran. Et il divise en trois. Hein? Si je me souviens bien, c'est surat Nas Al-Ankabut, et Al-Ankabut à Younes, et Younes à Al-Baqara. Ou en tout cas, l'Ain et le Fatiha. Hein? Il divise en trois. Et il donne de très très bons conseils. Il dit par exemple de répéter un verset 20 fois. C'est quoi le premier verset de Sourate Jumu'ah par exemple ? Voilà, tu le répètes 20 fois. Deuxième, c'est quoi le deuxième verset ? Il y a une khila. Naam. 20 fois, troisième verset. Quatrième verset, 20 fois. Il dit quand on a fait 4, 20 fois, tu les lis maintenant les uns aux autres et tu répètes 20 fois. D'accord ? Et c'est une manière de mémoriser le Coran. Et tu fais ça, je me souviens bien, il avait dit pour toute la page, 8 versets en une journée. C'est ça, hein ? Et puis le lendemain, donc après tu fais avec 5, 6, 7, 8 la même chose et puis tu lis 5, 6, 7, 8 ensemble, et puis tu lis, allez, tu, de verbe lier, hein, tu lis de 1 à 8 ensemble. Alors, tu imagines combien de fois tu auras lu le verset. Tu l'auras bien, Inch'Allah. En plus, tu as la connexion. Notre nasiha que je donne aux frères, c'est de mémoriser avec le premier verset, le premier mot du second verset. Qui se donne un exemple? De mémoriser avec le second verset, avec le premier verset, le début du second verset. Juste le début. Qui se donne un exemple? Exactement. Pourquoi? Parce que tu as chaque fois la connexion. Et ça t'aide dans ta mémorisation. Notre nasiha dans le Hifd al-Qur'an, que le Mashiach Hidam, comme Cheikh Louhaydan, il dit, c'est que tu lises le tafsir avant de mémoriser. Parce que quand tu vas lier ta mémorisation à une compréhension, hein, et à un vécu du texte, c'est différent. Tout ça, c'est des techniques. Mais ça, c'est des techniques qu'on donne importance au Qur'an. Hein, c'est qu'on donne importance au Qur'an. C'est kalamullah azza wa jal, les ikhwan. C'est kalamullah azza wa jal. On dit qu'on aime Allah, on dit qu'on aime le Qur'an. Il faut hafir le Qur'an. Il faut qu'on s'entraîne entre nous sur hafir le Qur'an. Hein, il faut qu'on se motive les uns les autres à hafir le Qur'an. C'est très très important, ya khoua. Hein? En tant que salafi, on devrait tous être hafad. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des hafad, ya khoua. Et donc ça, c'est la fin de citation de l'imam Nawawi, rahimahullah. Il dit également, on lit encore la suite, il cite une autre parole de Nawawi dans le même livre, mais ailleurs. Troisième volume maintenant. وقال أيضا رحمه الله في المجموع شرح المهذب المجلد الثالث الصفحة الخامسة والثمانين بعد 300 قال أصحابنا والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها قال المتولي حتى لو قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية أول من أول بقرة ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم انتهى كلامه وعلق السيوطي في الإتقان في علم القرآن هذا اللي فكرت سيتي تتالق عند كلامه على النوع 35 في آداب تلاوته وتأليفه على مسألة قراءة السورة من القرآن العظيم من آخرها إلى أولها التي حكى النووي رحمه الله في كلامه السابق الاتفاق على جوازها أو منعها. Si vous suivez quand je lis en arabe ou pas. Ala man'iha. Il y en a, ils sont tombés dans le piège. Fihi atharun akhraj at-Tabarani bi sanadin jayyid 'an Ibn Mas'ud annahu su'ila 'an rajul yaqra' al-Qur'an mankusan. Qala dhalika mankus al-qalb. Intaha kalamuhu. Qultu wan-Nawawi ay qa'il Sheikh Bazmoul, wan-Nawawi rahimahullah fi kitabih at-Tibyan fi adab hamlat al-Qur'an tab'at al-Shamilah أورد هذا الأثر دليلاً على كراهة الإخلال بترتيب المصحف ويظهر أن معناه هو كما ذكر السيوطي رحمة الله على الجميع. Quatrième point, on finit ce quatrième point là. Deuxième parole de l'imam Nawawi dans ce quatrième point. Il dit également qu'Allah lui fasse miséricorde dans Al-Majmou' Sharh Al-Muhaddab, je donne la référence, volume 3, page 385. Nos compagnons ont dit, la sunna est qu'ils lisent en respectant l'ordre du mushaf, en lisant les sourates de manière successive. S'il récite donc la première unité de prière, une sourate, il récite dans la deuxième raka'a, celle qui la suit directement. Al-Mutawalli a dit, même s'il lit dans la première, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, il récite dans la deuxième en commençant du début de sourate al-Baqara. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui suit sourate al-Nas? C'est, tu remontes de l'autre côté. Hein? Et après le Fatiha, évidemment, la première sourate, c'est le Baqara. Et qu'il récite dans la deuxième ce qui est avant. Et s'il récite dans une sourate, je répète, s'il récite une sourate dans la première et qu'il récite dans la deuxième celle qui est avant, il aura délaissé ce qui est de mieux. Mais il n'y a aucun mal à cela. Et Allah est le plus savant. Fin de citation. As-Suyuti dans l'Itqan fi ulum al-Qur'an, lorsqu'il parle du 35e genre en ce qui concerne les bienséances de la récitation du Qur'an, à propos de réciter une sourate du Coran de sa fin à son début. Dans l'imam rahimahullah, comme on l'a vu, il a rapporté quoi? L'unanimité sur le fait que c'est interdit, que c'est blâmable. Vous suivez ou pas? Il y a un athar rapporté par At-Tabarani à ce sujet, avec une bonne chaîne de transmission. D'Abdullah ibn Mas'ud, qu'il fut questionné sur celui qui récite à l'envers. Il dit, il a le cœur à l'envers, retourné. Fin de citation. Je dis à Nawawi dans son livre, c'est-à-dire Cheikh Bazmoul, Tibyan, pardon, fi Adab Hamalat al-Qur'an, page 98 aux éditions Al-Shamila, a rapporté ce athar comme preuve sur le fait qu'il est makruh, détestable, de ne pas respecter l'ordre du Qur'an. Et ce qui est apparent, c'est que le sens de cela est celui que l'imam As-Suyuti a rapporté, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Donc maintenant, si on veut résumer ça, parce qu'il faut tirer ça au clair maintenant, si on lit, pardon, de Minajinati wa Nas, on remonte sur Qul a'udhu bi Rabbin Nas, c'est autorisé ou pas? Non, il y a khilaf ou pas? Il y a ijma, d'accord. Maintenant, si je lis par exemple Al-Baqarah, puis je lis Ali Imran. Hein? C'est quoi? C'est bien? Bah, c'est même ce qu'il y a de mieux. D'accord. Maintenant, je lis Ali Imran et Al-Baqarah. D'accord. Cinquième point. Mas'alatul Khamisa. أن أسماء سور القرآن توقيفي مجرى توقيفية كما ترون أن الأحاديث ذكرت السور بأسمائها سورة الرحمن والنجم اقتربت والحاقة والطور والذاريات إذا وقعت النازعات عبس إلى آخره وهذه مسألة مذكورة في كتب علوم القرآن وهي هل تسمية سور القرآن توقيفية أو اجتهادية الذي رجحه هو الزرقشي والسيوطي وغير واحد من أهل العلم أن تسمية سور القرآن توقيفية وهذا هو ظاهر بحسب هذه النصوص التي بين أيدينا وغيرها. Cinquième point, que le nom des sourates du Coran est tawqifi. Qu'est-ce que ça veut dire tawqifi? C'est qu'on s'arrête sur la preuve. C'est-à-dire que c'est basé sur la preuve. On donne les noms aux sourates parce qu'il y a des preuves sur ces noms-là. Comme vous l'avez vu dans rahmukallah. Dans les hadiths qui ont été cités les sourates par leur nom. Sourate Ar-Rahman, Sourate Najm, Sourate Iqtarabat, Al-Haqqa, At-Tur, Al-Dhariyat, Ida Waqa'at, Al-Nazi'at, Abasa, etc. C'est une chose qui a été rapportée dans les livres sur les sciences du Coran. Est-ce que les noms des sourates du Coran est quelque chose qui peut être sujet à l'effort d'interprétation, l'ijtihad, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est tawqifi, qui est basé sur le dalil, yani qu'on se limite à le dalil? Alors Zarkashi, Es-Suyuti, retenez ces noms-là, Es-Suyuti, et d'autres parmi les gens de science, est que les noms des sourates du Coran sont tawqifi. C'est ça la parole la plus forte pour eux. Et ceci est ce qui est apparent des textes que nous venons de voir et d'autres encore. Pourquoi? Parce que dans les textes, il y a des noms. Donc on prend les noms de ces textes. D'accord? Amenez une petite question dans le Coran. Quelle est la sourate dans le Coran qu'on appelle sourate al-Ni'am? Hassan, sourate al-Nahl. Pourquoi? Ah ouais, on a fait expliquer. La réponse, elle est dans ta réponse. Ma question, c'est quelle est la sourate qu'on appelle la sourate des bienfaits? Le frère, il a dit sourate Nahl. Il a raison. Pourquoi? Parce que c'est la sourate où on parle des bienfaits. Hein? Où Allah Azza wa Jalla parle des bienfaits. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est là où on parle beaucoup de bienfaits. Hein? Une autre question, sourate Al-Fitan. Pour les frères qui la connaissent, ils doivent peut-être deviner. Je donne le début. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim faly'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-ankabut. Ahsant. Je continue. Non, c'est bon. Ah, il a décidé pour les frères. Sixième point, c'est intéressant des choses comme ça, ça fait partie de l'ulm Qur'an. Qui s'est donné un autre nom pour le Fatiha? Je t'écoute pas. Un autre nom pour le Fatiha? Oum al-Kitab. Quoi d'autre? Seba al-Mathani, quoi d'autre? Vas-y, pourquoi tu dis quelque chose à chaque fois après? Non, mais si, mais tu le dis, mais tu le dis pas en même temps. J'entends vaguement et puis je dis quoi? Tu fais comme si tu n'avais rien dit. Ça, c'est pour te sécuriser au cas où tu as dit une erreur, c'est ça? Hein? Vas-y. Non, barakallahu fik, c'est juste. Allez, quoi d'autre, les frères? Non. Kafia aussi, non? Al kafia aussi? Celle qui suffit? Shafia? Quoi d'autre? C'est suffisant. مسألة السادسة بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات ليلة بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران وكان الذي يصلي خلفه هو حذيفة بن اليمان كل نوع دون حذيفة بن اليمان aussi il a un nom spécifique en raison d'un hadith. C'est pas celui-là. C'est lui qui a rapporté le hadith, t'as raison, mais le hadith, c'est pour lequel on dit Sahibu Sirri Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui détenait le secret du prophète. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les noms des hypocrites. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait les noms des hypocrites. Alayhi salatu wa sallam. Il les connaissait. Et il l'a dit à Hudhayfa ibn al-Yaman. Et c'était un secret. Qu'est-ce qu'il a fait à Umar ibn al-Khattab? Il a posé la question. Il a pas seulement posé la question, il a dit Anshuduka billah. Mais pourquoi il a posé la question? Comme ça. Omar et radiallahu anhu, c'est sahaba ça. C'est, hein? Comme dit Cheikh Fala Ismail, quand on parle de sahaba, tu regardes en haut comme ça. Hein? C'est faux, sahaba. C'est fou. Hein? Alors, regardez, hein? Il y avait une janaza. Hadith Abdul Yaman, il ne s'est pas levé pour aller à la janaza. Un sahabi, ce n'est pas le premier à faire le khair. Amr ibn Khattab, il a compris que, pourquoi? Parce qu'il savait, il a été directement chez lui, il a dit, Anshuduka billah, je demande par Allah, est-ce que je fais partie des hypocrites? Amr ibn Khattab, Mubashar bil Jannah, le prophète Azim, il a garanti le Jannah, il demande encore. Ça c'est ça, sahaba, c'est pas nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas de sahaba. Hein? Il lui a dit, Anshuduka billah, je te demande par Allah, est-ce que je fais partie d'eux? Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a répondu ou pas? Il lui a répondu, il a dit La wa la ubarri ou ahadan ba'daka. Et je ne sens personne après toi. À la kulli hal. Faqala lama staftaha bi surati an-nisa hamamtu bi amri su'. Regardez encore une fois le sahaba. Il dit j'ai une mauvaise intention. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. J'ai une mauvaise idée, une mauvaise pensée. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que nous on doit dire par rapport à nos idées à nous, hein? Il a dit hamamtu bi amri su. Qila lahu ma alladhi hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'a as-salata ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Al-hasil fi hadha al-fasl bayan anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yutilu al-qira'ata fi salati al-layl wa qad thabata anhu alayhi salatu wa sallam annahu qala afdalu as-salati tulu al-qiyam. C'est un hadith très court qu'on peut mémoriser. Afdalu as-salati tulu al-qiyam. والمقصود بطول القيام أي القيام للقراءة. Après on fait le dernier point, on a fini le chapitre, inshallah. La mise en évidence, sixième point, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allongeait sa prière nocturne. Hein? Il a été rapporté de lui qu'il a prié une nuit, alayhi salatu wa sallam, en récitant surat al-Baqara. Puis surat al-Nisa, puis surat Ali Imran. Et celui qui priait derrière lui était Hudhayfa ibn al-Yaman. Radiallahu anhu arda. Il dit que lorsqu'il débuta surat al-Nisa, il eut une mauvaise idée. Il fut alors questionné, qu'as-tu comme idée? Il dit, radiallahu anhu, j'ai pensé m'asseoir et laisser la prière avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, il y a dans ce chapitre la mise en évidence que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allongeait sa prière nocturne. Il a été rapporté de lui de manière authentique qu'il a dit « La meilleure des prières est de rester en position debout longtemps, tulul qiyam. » Et ce qui est entendu par cela, c'est de se tenir debout lors de la récitation « qiyam al-qira'a ». Alors moi je prends deux choses de ce hadith-là. première chose, c'est que ça nous a incité à être jaloux envers Sahaba, ya ikhwa. Hein? Ya détester rawafid qabbah Allah sa'yahum. Wa alayhim min Allah ma yastahiqoun. Hein? Ça doit nous inciter, c'est à détester ces gens-là qui détestent et qui rendent mécréant la majorité des Sahaba. Radiallahu anhum arlahum. Hein? Et parmi les gens qui détestent le plus et qui se fait pour nous partie des meilleurs des gens, c'est Aïcha radiallahu anhu arlaha. Hein? Il l'accuse de zina wa l'adou billah. La femme du prophète alayhi salatu salam, qu'Allah innocente au-dessus de sept cieux. Et toute personne, bi ijma'i l'ulama, qui accuse le prophète Aïcha radiallahu anhu de zina est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il a rendu mensonger le Coran. Parce que le Coran, il est innocent et lui dit le contraire. Allah al-Musta'an. Regardez les Sahaba, comment ils étaient, ya ikhwa. Ça nous a incité l'amour de ces gens-là. À dire, radiallahu anhum, faire dua pour eux. Radiallahu anhum, ardahum. Et les défendre, d'apprendre leur voix, et d'apprendre leur biographie, de les prendre pour exemple. Ça fait partie de notre aqidah d'Al-Sunnah al-Jama'a. C'est pas une idée ou une opinion. C'est une aqidah, ça, ya ikhwa. C'est un ordre d'Allah dans le Coran. Allah il a dit dans le Coran, radiallahu anhum, wa radu anhum. Qu'est-ce que nous on va dire? Si Allah il est satisfait d'eux, qu'est-ce que nous on va dire? Hein? Deuxième chose, c'est que évidemment, pour faire une prière allongée, qu'est-ce que ça implique dans la récitation? Hafz le Coran, ya ikhwa. Le Coran. Septième. من السنة إذا قرأ المصلي في الصلاة أو خارج الصلاة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يقول سبحانك فبلى أي نقرأ أنه ليس نقر عفوا نقر أنه ليس غيرك يا الله قادر على أن يحيي الموتى وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وقد جاء في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة في صلاة الليل سأل الله من رحمته وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه ومن غضبه واختلف أهل العلم هل هذا مشروع في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أو خاص فقط بصلاة الليل والذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص فقط بصلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فعل ذلك في صلاة المفروضة الجهرية التي كان يصليها بالصحابة بالمسجد لنقل ذلك ولكنه لم ينقل إنما نقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعلهم في صلاة الليل وقال آخرون من أهل العلم إنه يجوز في صلاة الفرض وفي صلاة النفل وقالوا ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل والأول هو الراجح لأن الدليل قام على مفارقة الفريضة لصلاة الليل في ذلك وهو أن يقال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصلاة المفروضة لا نقله الصحابة ولما لم ينقله الصحابة دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في صلاة الليل كما جاء في صحيح الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم Septième et dernier point de ce chapitre concernant le fait de regrouper entre des sourates similaires dans la salat. Il fait partie de la sunna lorsque l'on récite dans la prière « Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mawta » de dire « Subhanaka fabala » c'est-à-dire nous attestons qu'il n'y a personne d'autre que toi, ô Allah, capable de ressusciter les morts. Attention maintenant, quelque chose qui est très répandu chez les maghrébins, qui est quoi? Surat al-Tin, c'est quoi le dernier verset? « Alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin » qu'est-ce qu'ils disent? Bala, inna minash shahidin. Hein? Alors moi, on pose la question très simple. C'est ça notre manhaj, c'est ça la voie d'Ahl Sunnah. Est-ce que tu as un dalil? D'accord, on ne fait pas quelque chose. Là, on a un dalil, là, on est d'accord, on a un dalil. Mais il y a un khilaf, est-ce qu'on fait dans la prière obligatoire ou que dans le nafl? Ça, c'est autre. Certains ulama, ils disent les deux. Certains ulama, ils disent que salat al-layl. Ça, c'est une autre histoire. Voilà qu'il y a un dalil, il est clair. Le hadith, il est clair. Cheikh Al-Albani l'a rapporté, c'est un muhadith. Donc on se limite à le dalil, s'il n'y a pas de dalil, on ne le fait pas. Et si on récite سبح اسم ربك الأعلى, de dire سبحان ربي الأعلى. Il a été rapporté dans les hadiths que le messager d'Allah, lorsqu'il récitait un verset parlant de la miséricorde dans la prière nocturne, qu'il demandait à Allah de sa miséricorde. Et s'il récitait un verset parlant du châtiment, il cherchait refuge auprès de son Seigneur contre son châtiment et sa colère. Les savants ont divergé, shafakallah, est-ce légiféré de le faire dans chaque prière, que ce soit obligatoire ou la surrogatoire, ou est-ce particulier à la prière nocturne? Ce qui est apparaît, et Allah le plus savant, que ceci est spécifique à la prière nocturne. Car si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait fait cela dans les prières obligatoires à voix haute, dans lesquelles il guidait les compagnons à la mosquée, cela nous aurait été rapporté. Mais cela n'a pas été rapporté. Ce qui a été rapporté, c'est ce qu'il faisait dans la prière nocturne. D'autres parmi les gens de science ont dit, hein, on revient à la règle qu'on a citée tout à l'heure, ce qui est permis dans la prière obligatoire, elle est dans la prière surrogatoire. Et ils ont dit, ce qui est... Hein? Frère Al-Shir, c'est ce qu'il a dit ici. Il a dit quoi? Il a dit, on revient, il a dit. C'est ce qu'il a dit, il a dit. إنه يجوز في صلاة الفرض ما جاز في النفل جاز في الفرض إلى بدليل بارك الله فيك. Donc on a dit quoi ici? Ce qui est autorisé dans la surrogatoire est autorisé dans l'obligatoire sauf s'il y a une preuve. D'accord. On était où ici? Donc c'est une preuve qui fait la différence. Le premier avis est le plus fort. C'est-à-dire que c'est que dans la prière nocturne. Car la preuve montre que la différence à ce sujet entre la prière obligatoire et la surrogatoire est là. Et c'est de dire, si le messager d'Allah avait fait cela dans les prières obligatoires, les compagnons l'auraient rapporté. Et comme les compagnons ne l'ont pas rapporté, ceci indique que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a fait que dans la prière nocturne. Donc on a une preuve en fait. C'est le manque de preuve justement, que ça n'a pas été rapporté. D'accord, pour faire la différence entre la nocturne et l'obligatoire. Ou la surrogatoire et l'obligatoire. Comme il a été rapporté dans les hadiths authentiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, je vous laisse le choix. Je suis fatigué parce que j'ai travaillé aussi aujourd'hui. Lakin, je peux continuer, j'avais préparé le cours en fonction. Si vous voulez, on continue encore un chapitre qui est moins long que le premier. Je vous dis combien de points directement. Il y a 5 points qui sont plus courts. Le chapitre aussi en lui-même il est plus court. Ça fait, chez moi en français, ça fait une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Hein? Ou on s'arrête? C'est comme vous voulez. Hein? Ok, pas de problème. Pour les autres, qu'est-ce que vous dites? Ça fait 1h10 maintenant qu'on a commencé. On s'arrête là? Taïb, on s'arrête là, inshallah, ou la semaine prochaine on continue? جزاكم الله خيرا والله اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك